Ouais, tu veux savoir de quoi ce piano parle? Dis que c'est la merde partout, j'ai beau refaire le monde avec mes salopards. Et je crois que c'est déjà trop tard, moi j'attends pas de prophète. On reste condamné au mitard tant que les rapaces se profitent. Alors on fait ce qu'on peut, loin de ceux qui se disent honnêtes. L'état t'escroque, regarde l'état d'horreur qu'ils commettent. Et y'a pas de remède à cette époque, le fric menace tes potes. On veut pas des spots, ni de ces vieillards des spots. Car y'a pas d'âge pour déconner, peu de panache pour décoller. Avec nos sales ganaches, on sera pas décoré. Poto, je fais plus de beaux rêves, pendant que je pavane fièrement. Je suis pas venu te lâcher de poèmes, ça se voit sur ma gueule d'enterrement. C'est un cauchemar ce monde, pour que s'empiffre éternellement. Peu de sincères serments, les chances pour que les frères sincèrement. Qu'on est censé remonter, mais tant pis vieux, ça se fera sans aide. Tant que les malfrats s'en mêlent, tous tes vices la rassermentés. On a déjà vu assez de menteurs, donc j'ai plus le sourire aux lèvres. Et le bonheur, une fois shooté par la vie, faut qu'il se relève. Pas de paradis sur terre, j'y crois plus. T'as vu chez nous, y'a rien de super. Et je compte plus les frères du père qui boivent plus. Ceux qui ont assez souffert, qui ont perdu le temps à s'essouffler. Ceux qui comatent sous verre, t'es perdument jusqu'à s'étouffer. Toujours pas de porte ouverte, nous qui étions pourtant si doués. La rue te parlait, maintenant ta vie est à celle-ci vouée. Faut bien se l'avouer, les temps sont raides, les carottes sont prêtes. Qu'est-ce que je peux dire dans mes chansons à part que les tensions règnent? Oublie ce qu'ils t'ont promis, y'a trop longtemps qu'on saigne. Une pensée à ce parti trop vite où que la détention freine. Les gens sont fermés, nous y'a qu'entre dames et qu'on traîne. Leurs légendes m'ont berné, jusqu'à paumer que les années contraignent. Qui va clamer le contraire, qu'être les coins mal famés, les affamés. C'est pas avec la grâce des roses fanées qu'on crève.